Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Autre mission de la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Patarata, mon pote. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. La Courte Échelle, chaque semaine, ce sont toutes les nouveautés de la scène indépendante, des artistes émergents, comme certains les appellent, dans tous les styles et à travers la planète. Il y a des artistes de tous horizons qui, chaque semaine, nous proposent leurs nouveautés. Si vous cherchez ce qui se fait de nouveau sur la scène indépendante, eh bien c'est chaque semaine dans votre radio, dans l'émission qui a pour titre La Courte Échelle. L'émission du jour va commencer avec un garçon qui a pour pseudonyme artistique Thieu. Il est auteur, compositeur et interprète en chanson française. Il est associé à un arrangeur affectionnant la pop et la musique électronique. Thieu, c'est un mélange étonnant d'une grande richesse musicale. Il va nous le prouver tout de suite avec un extrait de son EP qui sort ici en début d'année. Le titre que l'on va écouter, c'est « Rupture ». Comme un commencement, la vie s'étale, un rien banal, à nous d'en tracer les tournants. N'y voyons pas un point final, tout juste un interrogation. Où me mènera demain ? Je n'en sais rien. Je plie mes valises, range mes chemises. Mon auto blindé comme un char. Le monde s'effondre, poignée de secondes. Mes yeux sans vue et je démarre. Et file et fonce à vive allure. Pas le temps de penser mes blessures. Sur ma tente, un ciel azur. Le parfum des fruits mûrs de cette rupture. Je m'enthousiasme, puis je regrette cet tout Picasso dans ma tête. C'est moins grisant, c'est inconnu, quand on sait qu'on ne reviendra plus. Je suis tout patraque, le bide en vrac, pas le cœur à tourner les serviettes. Le doute me frappe comme une grande claque, et ébranle les plans sur la comète. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je vous présente tout de suite Pascal Gayet. Un journaliste a dit d'elle un jour que c'était une artisane de la chanson et ça lui va très bien. Elle a grandi dans une famille d'artistes où les vinyles de musique classique et traditionnelle, de jazz rock, de blues et de bonnes chansons françaises étaient son quotidien et ce fut sa nourriture de base pour écrire. Pascal Gayet, la voici avec Sœur Amie. Chambre. Échelle. Différence est interprétée par Seperuti. J'avais dans les yeux, quand j'étais enfant, quelque chose qui ressemble à l'envie. J'avais dans le cœur, quand j'étais gamin, quelque chose qui égayait ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge, que les choses s'en mêlent, certitude, désarroi, pêle-mêle. Qu'est-ce qui fait qu'on change, qu'un matin on se sent sans raison, sans désir, simplement ressemble à la force. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on est face à ce choix, dérision, décision, même combat. Qu'est-ce qui fait qu'on court sans cesse après le temps, qui nous prend, qui nous tend, qui nous rend différents. Différent. différent. Le nouvel EP 5 titres de Carcassonne est sorti le 27 décembre dernier. 5 titres peaufinés en studio avec notamment Petit à petit, l'oiseau fait son nid. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Paris, dans une ville où les gens sont bien fringants. Mais si ces gens ignorent jusqu'à votre vie, vous êtes seul et l'indigence, c'est pas marrant. Quand on est seul, pas facile la vie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ta-da-ta-da-ta. Lorsque la vie reprend ses couleurs, des passants empressés d'aller en terrasse, vous cherchez désespérément dans la masse une main sympa pour vous donner la chaleur. Quand on est seul, pas facile la vie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ta la ta la ta. En vacances. En famille, ils partent pour se reposer. En province, en campagne, à l'étranger, vous, vous êtes seul à leur envier cette chance. Quand on est seul, pas facile la vie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ta da ta da ta. En automne, le vent fraîchit, les jours déclinent. Les cerfs entonnent leurs brames symphoniques. On s'adonne aux balades bucoliques. Pas de main câline pour un anonyme. Quand on est seul, pas facile la vie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ta la ta la ta. Ta la ta ta. Ta la ta la ta. Ta la ta ta. En hiver, le soleil, les idylles sont froids partout. La météo glaciale gèle les roses. Une main douce sur son épaule se pose. Désormais, c'est le passage du jeu nous. Quand on est seul, pas facile la vie. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ta la ta la ta. Ta la ta ta. Chaque semaine, découvrez dans la courte échelle le meilleur de la scène indépendante. Scène indépendante. Si loin d'ici, voici Carven. Washington est roi, vais-je dormir ce soir dans mon lit, ouvrir si loin d'ici, n'est qu'un mon emploi. Mon boss dit qu'il n'a pas eu le choix, les allocs me payent leurs produits. Et je vis si loin d'ici, oui je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Et je vis si loin d'ici, oui je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Pas le regard froid. Technocrates de tous les pays, nous poussant trop savoir vers quoi. Si loin d'ici, la croissance à tout va. Ma belle continue de flamber, laisse-la brûler, on recommencera. Et je vis si loin d'ici, oui je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Et je vis si loin d'ici, oui, je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Si loin d'ici, moi je suis loin de toi. La vie l'a dessiné ainsi, nos couleurs ne se mariaient pas. Et je vis si loin d'ici, oui, je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Et je vis si loin d'ici, oui, je vis si loin d'ici. D'ici on ne comprend pas, qui décide si loin d'ici. Lou Calista est parisienne, c'est une chanteuse pop de variété française. Elle est auteure, compositrice et interprète. Elle a baigné dans une famille de musiciens. La voici avec Gargantua. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. J'ai pris ce morceau de nous, je le tiens tout contre ma joue. Il ne faut pas qu'il tombe quelque part. Je me noue autour de ton cou, tu m'emmènes, mais surtout, tu me dis quand tu en as marre. Ajoute des kilos, et quand tu marches, tu m'entends chanter. Je dessine la nuit sur ta peau, quelques lettres recto verso, à relire quand on sera abîmé. On est les gars quand tu as de l'amour. L'artiste Sissou travaille actuellement sur un EP. Il sort aujourd'hui le premier single de cet EP. Ça s'appelle Inscrit en toi. Vous Vous écoutez La Courte Échelle, chaque semaine des talents à découvrir. Dans un conte de fées, un chaton dans le ciel, ne plus faire face à la réalité. Quand es-tu abandonné et à ces idées mal placées? Pourtant tu cherches encore à devenir plus fort. C'est inscrit en toi, dans chacun de tes pas. Tu ne le vois pas, mais tu n'es plus le même. C'est inscrit en toi, dans chacun de tes choix. C'est gravé dans tes gènes. Il bouille dans tes veines, ton sang qui t'engraine. Une défaite ne doit pas être ce qui t'arrête. Moi j'avais tout abandonné, tout arrêté. Courte échelle. Musli est un jeune artiste de la scène rock belge. Quand on lui demande son influence essentielle, il cite volontiers David Bowie. Say louder, give me a hand. reason, give me a reason. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. C'est l'année dernière que nous avons découvert dans la courte échelle The French Mademoiselle. Les voici de retour avec Spaghetti Caviar. Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Michel Acas est originaire de Bastogne en Belgique. Il est sur la scène depuis pas mal de temps et on peut dire que la musique, il connaît. Sur la place d'Alida, je passais par hasard et toi, tu étais là. On ne s'est pas parlé. Je n'avais pas bonbon. Par l'avenue Jacques Brel, tu es parti sans nom. Je t'ai revu un jour, c'était au mois d'avril. On a fait connaissance, rue Brassens, un dimanche. Tes jambes découvraient déjà bien plus qu'un fil. D'une petite jupe lissée, esplanade française blanche. Si tous les lieux de Paris portaient des noms d'artistes, pas des noms de bataille ou de vieux militaires. Il faut se l'avouer, ce serait bien moins triste. Des titres de chansons que des souvenirs de guerre. On a beaucoup parlé, bras dessus, bras dessous. J'ai compris qu'avec toi, ce serait jusqu'au bout. Que je t'aime, joli môme, statue gréco-romaine. tu voulais deux pommes rouges sur une fête foraine. Mon Dieu, que c'était bon de marcher dans Paris au bras d'une inconnue, m'impressionnant déjà, et découvrir les noms de ces peintres de génie, Sisley, Gauguin, Monet, Pissarro et Degas. Si tous les lieux de Paris portaient des noms d'artistes, pas des noms de batailles ou de vieux militaires, il faut se l'avouer, ce serait bien moins triste. Des titres de chansons que des souvenirs de guerre. On a pris l'apéro au carrefour Jodassin, allez Claude Nougaro, moi pour aller plus loin. J'ai osé t'embrasser, tu m'as dit quelque chose, à l'oreille murmuré, j'ai vu la vie en rose. Sous une porte cochère, enlacée dans le noir, t'es passé aux aveux, impasse Michel Audiard. Emmène-moi faire l'amour, pas besoin de métro, boulevard Charles Aznavour, dans mon petit studio. Si tous les lieux de Paris portaient des noms d'artistes, pas des noms de batailles ou de vieux militaires, il faut se l'avouer, ce serait bien moins triste. Des titres de chansons que des souvenirs de guerre. C'est une autre façon de rebaptiser les rues de Paris, dans le style folk jazz chaloupé. Marion Rampal nous propose à voler. La courte échelle. Patricia, elle, pour sa part, est autrice, compositrice et interprète. La voici avec Vagabonde. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ça fait déjà un sacré bail que tu balades ton bercail dans les quatre coins du pays. Ailleurs maintenant sont tes envies. Les petites virées d'un week-end sont trop courtes pour les happy ends. Cette fois ça y est, c'est le grand saut. On va tous te jeter à l'eau. Allez va, vas-y, vagabonde. Par voyager, va faire le tour du monde. Allez va, vas-y, vagabonde. Remplis ton cœur, ton sac, de toutes ces bonnes ondes. Les rêves écrits dans ton calepin, tu vas les faire et ça c'est bien. Dans un petit cam aménagé, tu seras loin, tu vas manquer. Fais surtout bien gaffe aux Indiens, ils pourraient enquiller le chemin. Te suivre pour te protéger, je les connais, ils vont t'adorer. Allez va, vas-y, vagabonde. Par voyager, va faire le tour du monde. Allez, va, vas-y, vagabonde. Remplis ton cœur, ton sac, de toutes ces bonnes ondes. Réunis, une belle accolade entre amis. Plus tard, mec, tu vas décoller dans quelques heures pour des années. Tu reviendras, on ne sait pas quand, mais n'oublie pas de temps en temps de nous compter quelques balades, sinon tu mets aux cartes postales. Allez, va, vas-y, vagabonde. Par voyager, va faire le tour du monde. Allez, va, vas-y, vagabonde. Remplis ton cœur, ton sac, de toutes ces bonnes ondes. Allez, va, vas-y, vagabonde. Par voyager, va faire le tour du monde. Allez, va, vas-y, vagabonde. Remplis ton cœur, ton sac, de toutes ces bonnes ondes. Le nouvel EP, 4 titres de Kalas Tebaldi, est sorti il y a quelques jours. Voici un extrait Ad Vitam. Si futile. votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Jill House, ça c'est Mrs. Bunny. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Voici à présent une chanson très émouvante, qui est très touchante, qui a été écrite par notre ami Michel Léonard, que l'on connaît bien dans la courte échelle. Ça s'appelle Le Grand Voyage. Il l'a écrite pour son ami André Scott. Tu nous quittes aujourd'hui pour le grand voyage. André, je suis heureux de t'avoir connu, mon vieux. De tous ces bons moments que nous avons partagés, en jouant de la guitare, on s'est bien amusé. Jamais je n'oublierai ces belles soirées. Solo de guitare, tu aimais pratiquer, tu y mettais toute ton âme, tu aimais t'en jouer, problème à respirer. Tu me quittes aujourd'hui pour le grand voyage. André, je suis heureux de t'avoir connu, mon vieux. De tous ces bons moments que nous avons partagés. En jouant de la guitare, on s'est bien amusé. De là où tu pourras jouer à volonté avec tous les musiciens qui nous ont quittés. Je te dédie cette chanson que j'ai composée pour ce dernier voyage que tu as planifié. Tu me quittes aujourd'hui pour le grand voyage. André, je suis heureux de t'avoir connu, mon Dieu. De tous ces bons moments que nous avons partagés. En jouant de la guitare, on s'est bien amusé. Nous tous aujourd'hui, sans Pierre est ici, comme tu l'as demandé, être à tes côtés. Tu as été si malade, tu as tout enlevé, fini les souffrances, tu vas te reposer. Tu me quittes aujourd'hui pour le grand. Que nous avons partagé. En jouant de la guitare, on s'est bien amusé. Bon voyage, André. On se reverra de l'autre côté. La courte échelle. Antoine McGovern, vous l'avez sans doute connu dans, grâce à la courte échelle dans cette émission. Le voici avec Marie. Marie, elle sort parfois le soir se promener sur les boulevards. Rencontre des gens au hasard. Elle dit qu'elle a peur dans le noir. Comment la croire? Comment la croire? Comment la croire? Comment la croire? Que s'est-il passé dans sa vie qui la pousse à sortir la nuit? Elle dit que c'est pas par dépit qu'elle ne court pas après l'oubli. Pourquoi pour qui? Pourquoi pour qui? Pourquoi pour qui? Pourquoi pour qui? Il faudra qu'un jour je comprenne qui est vraiment la demoiselle. Il faudra qu'un jour je comprenne qui est vraiment la demoiselle. Elle se dirige droit dans le mur. Elle était pourtant si pure. Qui a causé cette fêlure? C'est bien trop dur, c'est bien trop dur, C'est bien trop dur, c'est bien trop dur. Je suis seul et je l'attends, même si je sais qu'au fond elle ment. Je l'ai cru un jour pourtant, c'est pas facile d'être son amant. Et moi je l'attends, et moi je l'attends, et moi je l'attends, et moi je l'attends. Il faudra qu'un jour je comprenne qui est vraiment la demoiselle. Il faudra qu'un jour je comprenne qui est vraiment la demoiselle. Qui est vraiment la demoiselle. Et comme il nous reste un peu de temps dans cette émission, eh bien on va découvrir un extrait du nouvel album de Maeso, le titre éponyme de l'album Vie de Grenier, un album made in Toulouse. Je lui ai téléphoné que ce soir je jouerai. J'espérais qu'elle viendrait voir mes antiquités. Je voulais lui parler de mes goûts, mes idées. Ma vie s'est filochée dans cette vie de grenier. Dans cette vie de grenier. Dans cette vie de grenier. Mes souffrances, mes douleurs, mais aussi mes bonheurs, mes regrets, mes peurs, mais aussi les valeurs. Je n'ai jamais aimé les vieilles du passé et mon âme oubliée dans cette vie de grenier, dans cette vie de grenier, dans cette vie de grenier. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cette courte échelle, que vous y avez découvert des artistes intéressants. On se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien. Si vous voulez prolonger le plaisir de la courte échelle, www.lesemissionsdejeff.com. Il y a les playlists, les podcasts et tout ce qui concerne la courte échelle. D'ici là, soyez heureux. Échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes.